Le spectacle conjoint de la troupe de musique Zhongbong et de la chorale d'État émérite s'est déroulé en grande pompe du 31 août au 2 septembre à la Maison de la Culture 25 avril à Pyongyang. Sur la scène ont été montés des numéros variés comme la musique d'orchestre et le chœur masculin « Nous lui resterons toujours fidèles », la musique légère « Le train à destination du front », le chœur masculin « Nous ne connaissons que vous », l'ensemble vocal féminin « L'aspect de la Corée » et le chant et la danse qu'on nous envie.